fait ce brave homme en cœur tendre et vaillant, connu l'orphelinat à l'âge de 10 ans. Sa mère décéda peu après sa naissance, et son père mourut au cours de son enfance. L'assistance publique fut son second foyer. Il y nourrit, je pense, sa sensibilité. À l'âge de 13 ans, un couple de paysans l'engagea aussitôt pour les travaux des champs. Doué sans aucun doute de vive intelligence, il construisit tout seul son petit puits de science, enrichit son savoir par mille observations, en scrutant la nature au rythme des saisons. Il quitta maintenant la campagne liégeoise, rejoignit la caserne le fief des Ronceaux, pour faire ses 3 ans, comme on disait alors, fantassin pour toujours, emmené si dans le sort. Lors d'une permission, il fit la connaissance d'une fille aux doux yeux qui eut sa préférence. Une histoire d'amour qui dura 50 ans et qui eut pour point d'honneur la vie de 3 enfants. Août 1914, la France est en danger. Sur le front en Lorraine, mon père est engagé dans des combats sanglants pour freiner l'offensive des troupes d'invasion puissantes et destructives. Blessé devant Verdun comme ultime barrière, il rejoindra plus tard cette zone guerrière, la côte 304, les tranchées de Moron. C'est au lieu de l'enfer où moururent tant d'hommes. Pourquoi a-t-il fallu qu'une génération de jeunes de 20 ans, quelle que soit leur nation, soit sacrifié ainsi sur l'autel du malheur, dans l'immense cortège de souffrance et d'horreur? De retour parmi nous après 4 ans de guerre, écœuré, révolté par ces flots de misère, il cacha dans son cœur une grande blessure, tant son humanité était profonde et pure. Une vie dans le temps ne couronne sa mémoire, une vie de labeur, une vie méritoire, un court instant de vie dans notre éternité, un maillon de la chaîne en son infinité. Et si ton âme vogue dans l'azur, cher papa, si du pur du ciel tu me vois pour papa, la route qu'autrefois tu m'avais destinée, je l'ai suivi fidèle face à ma destinée.